cassé. Les frangins, je dédicace. Je reste le même, m'en fous de brasser. Prends-moi des liens, j'en ai vu passer. Ça bouge sur la piste. Je vois ta gadi qui me piste. T'as comme ton pote l'assiste. Qui veut pas sortir sa visa. Je fous mon nez dans le bise. Prêt à prendre des risques. Une maman m'arrête sur la route. Je la top face son fils. La planète rap cagoulélé. Tous les potos sont sous l'élé. Qui veut test niveau ambiance. Tout le monde danse sur ukulélé. La musique, ah, je l'aime. Droite au but comme l'OM. Des beaux métal, le PM. Et ce qui met troll KTM. Genre l'album à je gêne. Team Joule, Team Joule, Team Joule. Ah, en trottinette vers Bonneven. J'déboule, j'déboule, j'déboule. Ah, j'en sans casque, j'fais le signe Joule. Tu crois pas, c'est un film de boule. J'en sans casque, j'fais le signe Joule. Tu crois pas, c'est un film de boule. J'suis avec Moubarak. Mi-juillet, on t'a dit ça pète. Big up 9-2, demande à la gratte. TP sur le sort, t'es les claquettes. J'capre en rodage. J'me nique les avant-bras. J'arrive en short où tu t'attends pas. Mes vrais soucis, je les raconte pas. Sur Pépé, on va tout péter. Tu vas danser cet été. On va tout péter. On va tout péter. On va tout péter. On va tout péter. On va tout péter. On va tout péter. On va tout péter. On va tout péter. On va tout péter. Écoute-moi, reste assis. Alors le zin, dis-moi qu'est pas sous. En ce moment, ça sent le mazzi. J'ai vu les cifs dans la Picasso. La musique, j'me pique à ça. Et tout le projet dans l'application. Il t'a aidé, frère, dis pas ça. C'est pas gratuit, les invitations. J'regarde la montre, le temps presse. J'prends le micro, je l'agresse. Coupe au carré ou les tresses. J'regarde sa tête et ses fesses. J'regarde la montre, le temps presse. J'prends le micro, je l'agresse. Coupe au carré ou les tresses. J'regarde sa tête et ses fesses. J'évite la police avec mes homies. J'décrocherai la lune. Si je te l'ai promise, ouais. La ta ta ta eh eh, la ta ta ta eh eh, la ta ta ta eh eh, la ta ta ta eh eh. Alice, elle passe, je la vois, elle trace. Ma puce, je repasse, à plus, je t'embrasse. La démarche, je casse, pousse-toi, je passe. Quoi qu'ils disent, je trace, tu m'aimes pas, je t'efface. Sur Pépé, on va tout péter. Tu vas danser cet été, on va tout péter. On va tout péter, on va tout péter.